Un tas de personnes pensent me connaître. Pas vrai. Mais vous êtes si loin de la vérité. Je vous promets. Je suis pas juste un mec cool. Vous ferez mieux d'écouter ça. Le temps de dormir, j'ai ma vie à vivre, mes yeux rougis, laisse à dire que j'ai mauvaise mine. Différents cauchemars, tard le soir me font crier, j'en ai marre. Roule avec moi, crève avec moi, c'est fatigant d'être avec moi. Je me bats dans la vie comme j'en mords mon ex sur un ring. En frime, j'élimine mes cibles. Je verse trop d'amour dans le verre de mes ennemis. Trop d'amour pour ces filles qui n'apprécient rien. Alors juste valeur sur le beat comme un voleur. Numéro un des planeurs, je ne crois en aucun sauveur. Je suis ma sueur et me comporte comme un sans-coeur. On me différencie de la moyenne, j'ai cultivé ma haine pour continuer. Mais dans le game, j'ai comme un soldat en moi sur le qui vit prêt à mourir. Les sourires sont enterrés, il est plus l'heure de s'amuser. Désolé si dans le passé je t'ai blessé. Aveuglé par la merde, j'ai perdu beaucoup d'ambition. Est-ce mon destin de crever au bataillon? De lourds regards intenses me foutent en transe. Évacuer les enfants car je vais faire verser du sang. Tu sens mon son, tu vois mon plan. Voilà, je prends les par les côtés, tes ennemis sont faibles. Endors-les avec une fois, approche les doigts pour ne pas me voir. J'ai créé mes propres lois, personne ne me connaît aussi bien que moi. Ne t'arrête pas à mon visage souriant car j'ai des plans qui brisent ta bande. Don't stop, keep going. Don't stop, keep going. Don't stop, keep going. Don't stop, keep going. Don't stop, keep going.